Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Aujourd'hui, pour le plaisir, nous allons nous perdre à Pergame, une ville de l'antique Éolide, région d'Asie mineure sur la côte occidentale de l'actuelle Turquie. Nous allons nous y perdre au IIe siècle après Jésus-Christ. Pergame est à la fois grecque et romaine. Elle est riche de son passé, un passé hellénistique, riche de ses temples, de ses monuments, riche aussi de son présent, celui du IIe siècle. Sa bibliothèque est magnifique. Elle rivalise avec celle d'Alexandrie. Et justement, au IIe siècle, il est possible d'y croiser Galien, un médecin, pas n'importe quel médecin, celui qui s'impose comme la référence dans l'art de guérir. Sa conception de la médecine, avec ses humeurs, peut nous sembler étrange. Il y a le sang, le phlegme, que nous appelons la lymphe, il y a la bile jaune et la bile noire. Mais Galien est un homme dont l'influence se prolonge pendant des siècles, et peut-être aujourd'hui encore, allons savoir. Et puisque nous nous rendons à Pergame, à la rencontre de Galien, eh bien, allons-y de bonne humeur. Cette semaine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, quand il s'agit de soigner les corps, que peuvent nous apprendre les pratiques venues de loin, venues d'il y a longtemps, un voyage médical qui nous conduit en Chine, pour la longue histoire de la médecine chinoise, dans l'Égypte, pharaonique bien sûr, et puis dans l'Antiquité. L'Antiquité, aujourd'hui, ce qui nous intéresse particulièrement dans le cours de l'histoire, c'est ce que nous avons fait de cet héritage gréco-romain. Qu'avons-nous fait d'Hippocrate et de Galien? Oui, comment se soignait-on à Athènes et à Rome dans l'Antiquité? Pour nous en parler, vous êtes avec nous aujourd'hui, Véronique Boudon-Milot, bonjour. Bonjour Xavier Mauduit, merci de me recevoir. Merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes directrice de recherche au CNRS. Vos travaux portent sur les textes médicaux particulièrement, des textes médicaux alors grecs, parce que nous parlons de Galien et Galien écrivait en grec. Dites-nous, ces textes médicaux que vous avez travaillés, hein, parce que vous avez notamment dirigé l'édition, la traduction de plusieurs de ces traités qui sont parus aux belles lettres. Nos auditeurs connaissent la collection Guillaume Budé des belles lettres. Ces textes-là étaient des textes, j'imagine, répandus, parce que Galien est un auteur que l'on connaît, que l'on évoque. Malgré tout, il a fallu entièrement les retravailler. Étonnamment, j'imagine qu'ils avaient été retranscrits et encore transcrits et peut-être beaucoup déformés. Oui, bien sûr. Alors, comme tout texte antique, évidemment, nous ne possédons pas d'autographe, sauf pour de rares auteurs pour lesquels nous avons des papyrus, mais les manuscrits sur lesquels ces textes antiques sont conservés ont été copiés par des générations de scribes qui font écran entre nous et l'auteur antique, parce que quand on recopie, on introduit toujours des fautes, des omissions. Et tout le travail de l'éditeur, c'est d'essayer, à travers ces multiples copies, de remonter à quelque chose qui ne serait non pas l'original, mais le plus proche possible de l'original, le plus proche possible de l'auteur. Voilà en quoi consiste un travail d'édition d'un texte antique. C'est un travail très long. Il faut regarder tous les manuscrits grecs et il faut regarder, quand elles existent, les traductions arabes, latines et syriaques, si on a la chance d'en avoir. Donc c'est une histoire du texte à laquelle il faut procéder. Véronique Boudon-Milot, ce qui permet aussi de prononcer un mot qu'on prononce pas assez, en fait, c'est celui de philologue. Cette recherche du texte ancien, ce travail sur le texte, c'est quelque chose qui vous conduit à fréquenter dans les bibliothèques des manuscrits que l'on ne sort pas souvent, j'imagine. Il doit y avoir une émotion dans ce que vous avez pu croiser pour la publication de tous ces textes. Bien sûr, à chaque fois, c'est surtout quand on découvre un texte nouveau, comme ce fut le cas de ce traité de Galien, « Ne pas se chagriner », un traité que l'on pensait perdu et miraculeusement retrouvé dans un monastère de Thessalonique, le fameux manuscrit Vlatadon. Et dans ce manuscrit, on a découvert une lettre que Galien avait écrite à un de ses compatriotes resté à Pergame. À cette époque-là, Galien était venu chercher fortune à Rome et Galien avait perdu tous ses livres lors de l'incendie de 192 qui a ravagé Rome. Et Galien se confie et nous dit ce qu'il y avait dans sa bibliothèque. Donc c'est pour nous un témoignage très important pour faire revivre l'atelier d'un médecin qui fait l'inventaire de tout ce qu'il a perdu, ses instruments, ses livres, ses manuscrits les plus précieux. Donc vraiment une grande émotion dans ce cas particulier, oui, bien sûr. Véronique Boudon-Milot, c'est une question de gamin que je vous pose, mais enfin bon, je pense que nous sommes nombreux à imaginer ce moment de la découverte du manuscrit, et cette question de gamin est toute bête. C'est quoi le plus ancien que vous ayez pu consulter? Alors, dans le cas de Galien, nous n'avons pas des manuscrits aussi anciens que dans le cas d'autres auteurs. Et cela peut s'expliquer par le fait que les textes de Galien étaient des textes d'usage, qui passaient entre les mains des médecins, qui les annotaient et qui s'en servaient pour leur enseignement. Donc on peut supposer que lorsque ces textes étaient tombés en lambeaux, tombés en poussière, ils étaient remplacés par d'autres copies, et ainsi on ne conservait pas les exemplaires les plus anciens. Et les manuscrits qui ont survécu datent pour Galien du 12e, 11e siècle au maximum, ce qui fait un écart entre l'auteur, qui a vécu, comme vous l'avez rappelé, au 2e siècle, et ses plus anciens manuscrits, disons, autour du 12e, un écart de 10 siècles, pour lesquels il faut utiliser, quand elles existent, des traductions arabes plus anciennes ou des traductions syriaques, mais dans certains cas, nous n'avons rien du tout et il faut combler 10 siècles qui nous sépare de l'auteur et du plus ancien témoin conservé. Véronique Boudon-Milot, vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé « Galien de Pergame, un médecin grec à Rome », un ouvrage qui est apparu aux Belles Lettres. Vous avez dans ce titre deux éléments de biographie importants. « Galien de Pergame », nous voyons son lieu de naissance, mais aussi qui est une ville sans cesse de référence au cours de sa vie, un médecin grec à Rome. Alors déjà, vous nous le présentez, Galien. Donc il est de Pergame. Pergame, cité rayonnante pour la culture. Donc nous nous trouvons sur la côte ouest de la Turquie actuelle. Nous sommes en Asie mineure. C'est ça. Et à Pergame, il y a un sanctuaire très important, un sanctuaire d'Asclépios, le dieu de la médecine. Et Galien est en quelque sorte né à l'ombre de ce sanctuaire. Et si ses premières années d'enfance, de jeune homme, se passent à l'ombre de ce sanctuaire, à Pergame, s'il s'exprime en grec, s'il écrira toujours en grec, ensuite, après la mort de son père, doté d'une fortune qui lui permet d'engager de longs voyages partout en Méditerranée, après un passage à Alexandrie, il va aboutir à Rome, où se déroulera l'essentiel de sa carrière et où il vient en fait chercher une reconnaissance qui soit à la mesure du monde romain de l'époque, c'est-à-dire qui puisse rayonner jusqu'aux rives de la Méditerranée. Et surtout, il va atteindre les marches du palais, il va parvenir au chevet de Marc Aurèle, l'empereur régnant, se voir confier les soins de son jeune fils Commode, et enfin pouvoir accéder à cette gloire romaine qui le poursuit de ses vœux. Dites-nous, Véronique Boudon-Milot, le fait que Galien vienne de ce monde grec a-t-il une influence pour expliquer en fait sa destinée de grand médecin? À Pergame, il y a une grande bibliothèque. Est-ce que le monde grec avait produit quelque chose qui permettait à Galien de s'appuyer pour construire sa propre pensée? Évidemment, un nom vient en tête, c'est celui d'Hippocrate, bien longtemps auparavant. Naturellement. Donc, 5 siècles avant Jésus-Christ, Galien, 2e siècle après, les deux médecins sont séparés par une distance chronologique assez considérable, mais en réalité, ils partagent la même langue, même si Hippocrate écrit dans un dialecte différent. Et surtout, Galien a lu tout Hippocrate, se place sous le patronage d'Hippocrate et va consacrer une grande partie de son œuvre à commenter les écrits d'Hippocrate. Et en faisant ainsi, il se met là aussi dans une lignée de commentateurs. Avant lui, on avait commencé à commenter Hippocrate, mais les commentaires de Galien, qui sont pratiquement systématiques, dans la mesure où ils couvrent presque tout le corpus hippocratique, et qui s'attache à expliquer la lettre du texte hippocratique. Il faut savoir qu'Hippocrate écrit de façon très brève, très concise, et pas seulement quand il écrit des aphorismes. Eh bien, le texte hippocratique a besoin d'explications. Et Galien va fournir ces explications de façon très utile pour des générations de médecins après lui qui vont aborder Hippocrate presque uniquement, exclusivement ensuite, pour les siècles qui suivront, à travers les commentaires de Galien. Par exemple, les Arabes liront Hippocrate en extrayant les mots d'Hippocrate à l'intérieur des commentaires de Galien, parce que Galien citait toujours Hippocrate, quelques mots, quelques phrases, et ensuite commentait. Puis il poursuivait, quelques mots, quelques phrases, puis il donnait son commentaire. Et c'est ainsi qu'on a lu, enseigné, abordé Hippocrate à travers Galien. Alors, il y a cette différence majeure entre Hippocrate et Galien, c'est qu'Hippocrate a laissé peu d'écrits, et puis Galien en a laissé énormément, et puis de toute façon, même dans les éléments biographiques, il y a des différences. Hippocrate est un personnage complexe, d'ailleurs, il y a plutôt l'idée de corpus hippocratique, dans le sens où ce sont des textes qu'on a du mal à identifier. Est-ce que les auteurs, y a-t-il un auteur, ou est-ce qu'il y a plusieurs auteurs? Alors que Galien, lui, est vraiment un personnage avec une vie, avec une œuvre, une biographie, que d'ailleurs vous avez pu retracer, Véronique Boudon-Milo. Oui, vous avez raison. On a d'un côté un corpus hippocratique riche d'une soixantaine de traités mis sous le nom d'Hippocrate, mais dont on sait qu'ils ne sont pas tous de la main d'Hippocrate, sont plutôt les œuvres d'une école hippocratique. Et puis de l'autre côté, on a un auteur, Galien, qui a écrit des centaines de traités, dont une partie seulement nous est parvenue, mais pour la partie qui nous est parvenue, ça représente près du huitième de la totalité de la littérature grecque, donc c'est tout à fait considérable. Ce sont des milliers de pages dans l'édition de référence, ce sont 20 tomes de 1000 pages, donc c'est tout à fait considérable. Et puis surtout, Galien, c'est un auteur qui se livre, hein, qui raconte sa famille, son enfance, ses expériences, ses lectures. Et à ce titre, c'est un personnage, et c'est rare pour un auteur antique, très rare. Et à ce titre, c'est un personnage très attachant parce que on peut suivre la vie de Galien, sa vie intellectuelle, en tout cas, presque pas à pas. Et ça, c'est quelque chose d'assez original et unique pour un auteur antique. Eh bien justement, Véronique Boudon-Milo, pour que les auditeurs se rendent compte un peu de ce style galien, de cette pensée, de son côté d'ailleurs très accessible dans ce qu'il raconte, je vous propose un extrait d'un écrit de Galien à propos du diagnostic par l'observation. C'est une lecture dans le cours de l'histoire sur France Culture par Daniel Koenigsberg. Sachez que sur beaucoup d'autres personnes, je reconnus leur maladie ainsi. D'après leur teint, je déclarais que chez elles, soit le foie, soit la rate étaient affectés, sans m'être renseigné sur les symptômes antérieurs et sans avoir diagnostiqué par le toucher l'affection des viscères. Vous m'entendrez donc souvent maudire les premiers médecins qui ont osé se déclarer les chefs de la science médicale et qui ne veulent pas traiter les malades. La plupart de ceux-ci sont des empiriques et des méthodiques, et si vous leur dites qu'il est parfois possible, d'après le teint seul, de diagnostiquer le lieu affecté, ils ouvrent la bouche et, comme un chien enragé, ils dardent sur les interlocuteurs le venin de leur langue effrontée. Galien de Pergame, lu par Daniel Koenigsberg, un texte à propos de l'observation. L'observation en médecine, Galien dit, c'est ainsi qu'il reconnut les maladies. Véronique Boudon-Milo, il y a quelque chose de concret dans ce que nous entendons. Galien est un médecin qui n'est pas simplement dans sa bibliothèque. C'est un médecin qui va à la rencontre des malades pour essayer de comprendre ces maladies. Oui, bien sûr, c'est un médecin de terrain aussi, qui a toujours allié théorie et pratique et qui, concrètement, avait un cabinet, même si ça n'est pas là qu'il consultait, puisque la tradition dans l'Antiquité, c'est plutôt que le médecin se rende au chevet des malades. Ce qu'il faisait, ce qu'il a fait dans ses années d'études aux côtés d'un maître qu'il a accompagné, et il a appris, comme le faisaient les étudiants de l'Antiquité, aux côtés d'un maître, en visitant les malades. Et puis lui-même, devenu médecin, se rendait au domicile de ses patients. Et là, il observait, mais il observait absolument tout. C'est-à-dire qu'il observait les conditions de vie du patient. Il observait l'état de la chambre, l'orientation de la maison, ce qu'il mangeait. Croisant une servante qui évacuait un pot de chambre, il observe les urines. Arrivant dans une maison où sur l'appui de la fenêtre il a vu une plante médicinale, il le note. Et ainsi, arrivé déjà au chevet du patient, il a fait sa petite enquête. Et puis bien sûr, il va s'approcher du malade, il va le toucher, il va prendre son pouls. Et la prise du pouls, la sphygmologie, la science du pouls, va donner lieu à des observations très fines et va donner lieu aussi à la rédaction de 16 traités, c'est-à-dire 4 ensembles de 4 livres chacun. Et c'est en prenant par exemple le pouls de Marc Aurèle que Galien va pouvoir établir un diagnostic. Et ensuite il regarde absolument tout, la couleur du teint, et puis il interroge. Il interroge le malade et c'est dans ce dialogue qui va s'instaurer entre le malade et son médecin, mais dans une pure tradition hippocratique, dans ce dialogue que le médecin va pouvoir établir son diagnostic. Il va interroger sur la maladie passée, il va interroger sur ce qui a précédé l'arrivée de la maladie, il va interroger sur les symptômes présents et il va pouvoir faire un pronostic, c'est-à-dire il va annoncer comment va évoluer la maladie. Et là, il met en jeu sa crédibilité. Si le pronostic se réalise, ce sera un bon médecin. S'il s'est trompé dans son pronostic, sa réputation, si je puis dire, va baisser. Mais tout cela se passe parfois de façon beaucoup plus conflictuelle, car souvent ce sont plusieurs médecins qui sont admis, qui sont appelés auprès et autour du lit du malade. Et on va discuter, et on va s'affronter. Et il va y avoir des joutes oratoires où la rhétorique va très souvent l'emporter sur la pratique ou sur la connaissance médicale. D'où la supériorité de Galien qui a été formé à ces différentes disciplines que sont la philosophie, dont la rhétorique est une grande part, et la médecine. Et dans sa position à la fois de philosophe et de médecin, qui connaît et qui a une culture rhétorique très large, Galien est parfaitement armé pour engager ces joutes oratoires qu'il oppose aux différents médecins, eux-mêmes représentants de différentes écoles médicales qui s'affrontent de façon parfois très violente, y compris jusque sur le pavé de Rome, où certains médecins ont été victimes de tentatives d'assassinat. Donc c'est un milieu extrêmement violent et extrêmement critique et extrêmement compétitif. Véronique Boudon-Milot, nous imaginons ces débats autour du lit du malade, le pauvre malade qui ne devait rien comprendre à ce qui se passait. Et d'ailleurs, nous-mêmes, nous avons du mal à comprendre ces théories médicales qui nous viennent de l'Antiquité. Comment Galien concevait le fonctionnement du corps et tout ce que l'on pouvait faire pour apporter la guérison à un malade ? Oui, alors ça, la médecine galénique est de tradition hippocratique. Galien se rattache à Hippocrate, se revendique comme hippocratique, se revendique comme étant le principal disciple d'Hippocrate, en tout cas comme celui qu'il a le mieux compris. Et donc sa conception est une conception humorale. Le corps et la santé sont le résultat de l'équilibre parfait de quatre humeurs, sang, phlegme, bile jaune, bile noire, comme vous y avez fait allusion. Et de l'équilibre de ces humeurs dépend le parfait équilibre de la santé. Si une de ces humeurs vient à être déséquilibrée par rapport aux autres, en plus ou en moins, il faut rétablir cet équilibre. Et Galien va ajouter à cette médecine humorale une médecine qu'on peut dire des tempéraments, où les humeurs sont dotées de qualités, chaud, froid, sec, humide, et le tempérament de chaque individu va être qualifié en fonction de cette dominance en froid, en sec, en humidité, en sécheresse. Mais il n'y a pas seulement des tempéraments simples, il y a aussi des tempéraments composés, à la fois froids et secs, ou froids et humides, etc. Et à chaque fois, il faut rétablir cet équilibre pour essayer de le faire tendre vers une sorte d'équilibre parfait qui n'existe sans doute pas dans la nature, mais vers lequel on va essayer de tendre. Et pour rétablir cet équilibre, on a essentiellement l'alimentation, les médicaments, et seulement après, la chirurgie et des moyens beaucoup plus drastiques. Mais au départ, cette médecine, elle est basée d'abord sur l'alimentation, ensuite sur l'aliment, avec d'ailleurs des aliments qui peuvent eux-mêmes avoir une valeur thérapeutique. Et tout se joue dans un équilibre absolument subtil et adapté à chaque individu pour le rétablir dans ce qui est son équilibre parfait. Après l'hygiène de vie arrivent effectivement les médicaments et Galien porte une grande attention à la pharmacopée. Je vous propose encore une lecture par Daniel Königsberg d'un extrait de Galien où il est question justement de médicaments. Attention, il y a des vipères dans les parages. Quant aux médicaments préparés à partir de chair de vipère que l'on appelle l'antidote thériaque, pour ceux qui souffrent d'une telle affection, c'est-à-dire l'éléphantiasis, il est utile d'en boire, si on le souhaite, de s'en frotter la peau. Il arrive que ceux qui font tout cela voient leur peau débarrassée de ses squames, comme dans le cas des serpents, ce qu'on appelle leur nu. Un extrait de Galien de Pergame, lu par Daniel Königsberg. Véronique Boudon-Milot, aujourd'hui, nous avons une médecine qui s'appuie énormément sur le médicament. Le médicament doit tout sauver. On revient un petit peu là-dessus. Dans l'Antiquité, en tout cas selon les conceptions hippocratiques et puis celles de Galien, le médicament n'est pas, la panacée n'est pas au cœur de toutes les pratiques, loin de là. Tout à fait. On va commencer par équilibrer le régime de façon optimale, c'est-à-dire qu'on va prendre les aliments, les boissons, mais le régime, c'est au sens large, c'est aussi les exercices, le temps de veille, le temps de sommeil, y compris le rythme des relations sexuelles, et on va tout regarder pour essayer d'ajuster tout cela au genre de vie, à l'activité, à l'âge du patient. Et on va, en quelque sorte, entraîner son patient un peu comme un athlète. Et on va proposer au patient le meilleur régime de vie au sens large, et de façon à ce qu'il mette toutes ses chances pour ne jamais tomber malade. Donc c'est d'abord, finalement, une médecine qu'on pourrait qualifier de préventive. Et puis, si jamais la maladie intervient, on va d'abord et avant tout s'appuyer sur tous ces paramètres, alimentation, boisson, sommeil, veille, etc., pour rétablir cet équilibre qui, à un moment, a fait défaut. Et c'est seulement si on n'y parvient pas qu'on va se tourner vers les médicaments, et les médicaments eux-mêmes incluent des aliments et des boissons. Mais seulement, ça dépendra à ce moment-là du dosage. Prenons l'exemple de l'orge, de la tisane ou ptisane d'orge. L'orge, évidemment, entre dans une alimentation, on va dire, non thérapeutique pour fabriquer du pain. Et puis, on prendra cette même orge et on fabriquera une tisane, une bouillie, une soupe d'orge. Et on va en faire un médicament qui était très prisé et sur lequel Galien a écrit. Alors, quand tous ces moyens ne suffiront pas, on ira vers une pharmacopée beaucoup plus savante, beaucoup plus complexe, sur laquelle Galien a écrit, là encore, des milliers de pages, en distinguant le médicament simple des médicaments composés. Cette pharmacopée et cette œuvre pharmacologique, c'est 3000 pages, 3000 pages pour l'essentiel non traduites, et ce sont des recettes extrêmement complexes, qui répondent à une logique. Si on utilise un médicament simple, eh bien, on va échouer pour tous les patients auxquels cet ingrédient simple ne convient pas. Si on utilise un médicament composé, peut-être qu'un des ingrédients sera utile à un patient, mais les trois autres, dans le cas d'un tétrapharmacon, d'un médicament qui comprend quatre ingrédients, les trois autres risquent de lui nuire. Donc, que faire, puisque le médecin doit toujours être utile et ne jamais nuire, en accord avec le précepte hippocratique. Alors, si on va du côté des médicaments composés, il faut avoir une méthode absolument éprouvée pour ne pas se tromper. Et là, c'est tout l'art du médecin de mélanger des ingrédients qui, parce qu'ils sont mélangés, ne seront pas l'addition pure et simple de chacun des ingrédients. Et c'est là où la logique et la méthode médicale entrent en jeu. Donc, ça ne sera pas l'addition de, par exemple, 4 ingrédients, mais la fusion, le mélange de 4 ingrédients qui vont en donner, en quelque sorte, un cinquième, qui vont aboutir à l'apparition d'une substance, d'une cinquième substance, c'est ainsi que parle Galien, et cette substance autre, qui est autre que l'addition des 4 ingrédients de base, c'est cette substance-là qui va devenir intéressante et qui va faire la force du médicament composé. Et puis évidemment, le médicament composé par excellence, c'est la thériaque. La thériaque, alors qu'est-ce donc ça? Alors la thériaque, il fallait oser, parce que mélanger 4 ingrédients, c'est déjà oser. Voilà, c'est ça, c'est l'idée, quels que soient les ingrédients, en mélanger 4. Alors, quand on en mélange 4 dans le tétrapharmacone, mais pour la thériaque, on va en mélanger plus de 70 ou 80. Donc là, c'est complètement, c'est une autre dimension, et ça a fait beaucoup parler, la thériaque, à la fois les philosophes qui réfléchissaient sur le problème du mélange, qui est un problème très important pour la philosophie antique, parce que le problème du mélange, ça va servir à expliquer la formation du monde et la formation des corps. Comment le monde, ça c'est le problème des philosophes, mais les médecins sont aussi des philosophes. Donc comment le monde dans lequel vit l'homme s'est formé à partir de 4 éléments majeurs, et comment l'homme lui-même formé de 4 humeurs et qui vit dans ce macrocosme qu'est l'univers, donc comment l'homme, ce petit microcosme qu'est le corps humain formé des 4 humeurs, comment ce mélange s'est formé et comment l'expliquer et comment, dans le cas de l'homme, le soigner. Donc le problème du mélange, c'est un problème fondamental. Et on va retrouver ce mélange et ce problème du mélange quand il faut préparer la thériaque. Et le problème étant de comprendre si, quand on additionne des ingrédients simples, on additionne des qualités, ou si, et ça c'est l'idée de Galien et d'autres, mais enfin de Galien, ou si en réalité ce qui va advenir de ce mélange, c'est quelque chose d'autre, une substance qui n'existait pas avant et que l'on a réussi à obtenir. Alors dans le cas de la thériaque, 70 ingrédients, dont de la chair de vipère, de l'opium, des aromates et un produit donc très cher, très complexe, avec des ingrédients comme de la myrrhe, comme de l'encens, de la cannelle, du poivre, et évidemment, comme tout cela devait avoir un goût bien amer, du vin et du miel pour faire avaler non pas la pilule mais la potion quand même. Pour faire passer la potion, mais Véronique Boudon-Milo, j'entends bien qu'avant de prendre un tel remède, un remède qui doit coûter une fortune, qui est complexe et peut-être pas si bon que ça, j'entends les conseils de Galien que vous nous transmettez, c'est-à-dire sommeil, bien faire attention à son hygiène de vie, faire attention au rythme des relations sexuelles. Et bien justement, je vous propose de retrouver Georges Brassens pour son bulletin de santé. C'est un enregistrement à Bobino en 1969. Et Georges Brassens, oui, en évoquant son bulletin de santé, fait un clin d'œil à Galien. J'ai perdu mes bajoues, j'ai perdu ma bedaine, et ce d'une façon si nette, si soudaine, qu'on me suppose un mal qui ne pardonne pas, qui se rit d'Esculape et le laisse baba. Le monstre du Loch Ness ne faisant plus recette, durant les moments creux dans certaines gazettes, systématiquement les nécrologues jouent à me mettre au linceul sous des feuilles de chou. Or là c'est le servir de tête de massacre, des comptes à mourir debout qu'on me consacre. Moi qui me porte bien, qui respire la santé, je m'avance et je crie toute la vérité. Tout toute la vérité, messieurs, je vous la lis. Ivre, si j'ai quitté les rangs des plus de 200 livres, c'est la faute à Mimi, à Lisette, à Ninon, et bien d'autres, j'ai pas la mémoire des noms. Si j'ai trahi les gros, les joufflus, les obèses, c'est que je baise, que je baise, que je baise. Comme un bouc, un bélier, une bête, une brute, je suis hanté, le rut, le rut, le rut, le rut. Qu'on me comprenne bien, j'ai l'âme du satyre et son comportement, mais ça ne veut point dire que Jeanne ait le talent, le génie, loin s'en faut. Pas une seule encore ne m'a crié bravo. Entre autres fines fleurs, je compte sur ma liste rose un bon nombre de femmes, de journalistes qui me pensent en fichu, mettent toute leur foi à me donner du bonheur une dernière fois. C'est beau, c'est généreux, c'est grand, c'est magnifique, et dans les positions les plus pornographiques, je leur rends les honneurs à fesses rabattues sur des tas de bouillons, des paquets d'invendus. Et voilà ce qui fait que quand vos légitimes montrent leurs fesses au peuple ainsi qu'à vos intimes, on peut souvent y lire, imprimés à l'envers, les échos, les petits potins, les faits divers. Et si vous entendez sourdre à travers les plaintes du boudoir de ces dames, des râles et des plaintes, ne dites pas c'est tonton Georges qui expire, ce sont tout simplement les anges qui soupirent. Et si vous entendez crier comme en 14, debout, debout les morts, ne bombez pas le torse, c'est l'épouse exaltée d'un rédacteur en chef qui m'incite à monter à l'assaut de rechef. Certes, il m'arrive bien, revers de la médaille, ailleurs, de laisser quelquefois des plumes à la bataille. Hippocrate dit oui, c'est des crêtes de coq. Et Galien répond non, c'est des gonocoques. Tous les deux ont raison, Vénus parfois vous donne de méchants coups de pied qu'un bon chrétien pardonne. Car s'il cause du tort aux attributs virils, il mettra rarement l'existence en péril. Eh bien, oui, j'ai tout ça, rançon de mes fraudes, haineux. La barque pour Cythère est mise en quarantaine. Mais je n'ai pas encore, non, non, non, trois fois non, ce mal mystérieux dont on cache le nom. Si j'ai trahi les gros, les joufflus, les obèses, c'est que je baise, que je baise, que je baise. Comme un bouc, un bélier, une bête, une brute, je suis hanté, le rut, le rut, le rut. France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. C'est Georges Brassens, le bulletin de santé, enregistrement à Bobino en 1969, dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares, avec aujourd'hui à la technique Thibaut Nassinben. Aujourd'hui, nous sommes avec Galien. Galien, médecin de l'Antiquité, deuxième siècle après Jésus-Christ, un médecin qui a beaucoup écrit, et d'ailleurs, j'étais étonné, Véronique Boudon-Milot, en vous écoutant, de cette masse que nous avons décrite de Galien. Donc ça représente, oui, vous avez dit le 8e, on est sur une quantité énorme de ce qui nous reste de l'Antiquité. Tout à fait. Le corpus galénique à lui seul, c'est un continent. Et comment expliquer d'ailleurs qu'un homme seul ait pu produire autant ? C'est qu'il avait là aussi une méthode, ce médecin. Il avait des scribes formés à prendre sous sa dictée les discours qu'il pouvait donc leur dicter. Galien faisait des conférences chez des riches romains qui étaient curieux d'assister à des expériences et à des pratiques anatomiques, c'est-à-dire à des dissections d'animaux, puisqu'on ne dissèque pas les humains à cette époque-là, en tout cas dans le monde romain. Et Galien a beaucoup disséqué, son modèle est animal, Et il est entouré de spectateurs et il fait des conférences qui sont assez spectaculaires. Et souvent, on lui demande, à la fin de l'expérience, de mettre par écrit les résultats. Et à ce moment-là, Galien dicte et raconte ce qu'il a fait pour ses mécènes, en fait, ses protecteurs romains qui sont friands des découvertes de Galien. Alors, on a certains de ses écrits qui s'expliquent par ces circonstances particulières. On en a d'autres qu'il a écrits pour des amis. Il en a d'autres encore qu'il a écrits, nous dit-il, pour lui-même, pour lui servir d'aide-mémoire. Il y a tous les commentaires hippocratiques. Et puis, il y a des sommes, comme sa somme thérapeutique, qu'il considère comme la clé de voûte de l'édifice. Et dans cette somme thérapeutique, quand même 14 livres, donc là aussi plus de 2000 pages, il passe en revue toute sa théorie et sa pratique thérapeutique. Il y a les livres sur le pouls auxquels j'ai fait allusion, les pratiques anatomiques, comment faut-il disséquer, que faut-il observer. Il y a toute la physiologie, enfin bref, il y a pratiquement... Au-delà de toutes les branches de la médecine, puisque Galien s'est aussi intéressé, mais ça, on l'a très peu conservé, il s'est intéressé à la philosophie, je l'ai dit, il avait écrit sur la comédie, il avait écrit sur les poètes, bref, un esprit absolument curieux de tout, un grand esprit assurément, dont seule la partie médicale de l'œuvre, la plus importante, a survécu, mais tout un pan, le pan philosophique, le pan logique, le pan plus littéraire, a disparu, hélas, hélas. Véronique Boudon-Milot, cela explique sans doute pourquoi Galien se retrouve sans cesse. Nous l'avons entendu chez Georges Brassens dans les années 1960, mais évidemment Galien est omniprésent. Je vous propose un extrait du Malade imaginaire. Alors c'est un enregistrement récent pour la télévision française avec Didier Benureau qui joue le rôle du médecin Diafoirus qui présente en son fils Thomas. Thomas qui va faire des études de médecine, qui essaye d'être médecin, en tout cas il fait ses études. Et là encore, Galien est évoqué. Il avait 9 ans qu'il ne connaissait pas encore ses lettres. Lorsque je l'envoyais au collège, il trouva de la peine. Mais il se raidissait contre les difficultés. Et à force de battre le fer, il en est venu glorieusement à avoir ses licences. Et je puis vous dire, sans vanité, que depuis 2 ans qu'il est sur les bancs, il n'y a point de candidat qui ait fait plus de bruit que lui dans toutes les disputes de notre école. Il s'y est rendu redoutable. Et il ne s'y passe point d'acte sans qu'il n'aille argumenter à outrance pour la proposition contraire. Il est fort comme un turc sur ses principes, ne démord jamais de ses opinions. Mais, sur toute chose, ce qui me plaît en lui... Et en quoi il suit mon exemple, c'est qu'il s'attache aveuglément aux opinions de nos anciens. Et que jamais il n'a voulu comprendre ni écouter les raisons et les expériences des prétendues découvertes de notre siècle, touchant la circulation du sang et autres opinions de même farine. Le docteur Diafoirus chez Molière dans Le Malade Imaginaire, donc en 1673. Véronique Boudon-Milot, pourquoi Galien est omniprésent? C'est-à-dire que les écrits de Galien sont conséquents dans l'Antiquité, ils nous sont transmis par le monde arabe en partie, mais ils ne sont jamais oubliés. Non, ils ne sont jamais oubliés. Après la mort de Galien, ces traités vont être étudiés à Alexandrie. Ils vont donner lieu à des commentaires à leur tour, alexandrins, à des abrégés. Et puis ensuite, ils vont passer comme cela, si je puis dire, par l'intermédiaire syriaque au monde arabe. Et les Arabes vont nous les rendre par le biais de traductions arabo-latines avant, qui vont être utilisées pendant tout le Moyen-Âge, au début du Moyen-Âge, avant que en Occident, on se réapproprie Galien en faisant cette fois des traductions gréco-latines, donc établies à partir du grec et non plus à partir de l'arabe. Donc ce Galien, il a été lu en grec, en latin, en arabe, en syriaque. Et pourquoi ? Et son enseignement a été diffusé dans toutes les facultés de médecine au Moyen-Âge. Si on voulait devenir médecin, à la Renaissance aussi, eh bien, il fallait étudier Galien. Parce que Galien nous avait donné un enseignement global. Un enseignement global sur la médecine. Galien avait des idées sur tout, avait dit tout sur tout. Et c'était la porte d'entrée assez commode, finalement, à Hippocrate, je l'ai dit, puisqu'il avait commenté Hippocrate, et puis à l'ensemble des connaissances médicales. Et Galien a tout écrasé, comme il avait donné son opinion sur tout. On s'est rattaché à Galien, on s'est appuyé sur Galien, et on a considéré, dès qu'on avait une question qui se posait, on allait chercher la réponse chez Galien, on a considéré que tout était là. Et cette omniprésence de Galien a pesé comme une chape de plomb jusqu'à la Renaissance, je l'ai dit, et jusqu'aux découvertes anatomiques, par exemple, de Vésale, qui, avant de remettre en question les observations anatomiques de Galien, commence par rendre hommage à Galien et par s'excuser de devoir, en quelque sorte, corriger Galien. Il le fait toujours avec, Vésale le fait toujours avec une grande humilité, tant l'autorité de Galien pèse sur ce monde de la médecine pendant plusieurs siècles jusqu'à la Renaissance. Véronique Boudon-Milot, c'est vrai que ce qui est reproché, le mot reproche est peut-être mal utilisé ici, à Galien, est d'avoir appuyé son savoir sur des dissections, surtout d'animaux. Et c'est vrai que nous sommes sans doute là avec la rupture dans l'amour que l'on a pu porter à la pensée de Galien, quand on s'est rendu compte au moment des dissections sur le corps humain qu'il y avait des choses qui ne correspondaient pas beaucoup. Est-ce que c'est ça qui peut expliquer que Galien a, tout en étant considéré comme un grand médecin et sans doute une référence, a été regardé avec un peu plus de recul? Je pense que le reproche, si reproche il y a, est assez injuste. Parce que Galien, au moment où il commence à exercer, au IIe siècle de notre ère, n'a absolument plus la possibilité de pratiquer des dissections humaines. Cette possibilité a été donnée à deux grands médecins qui ont précédé Galien, Hérophile et Erasistrate, qui au IIIe siècle avant notre ère ont pu disséquer à Alexandrie, à un moment très bref dans l'histoire de la médecine, où cette possibilité a été laissée aux médecins. Donc Hérophile et Erasistrate ont disséqué, ils ont fait leurs observations, ils ont écrit quelques traités qui nous sont parvenus malheureusement de façon fragmentaire, mais que Galien pouvait lire, qu'il a cité et dont il s'est servi. Et quand Galien arrive, si je peux dire, au IIe siècle, c'est terminé. On ne peut plus, et depuis longtemps, disséquer de cadavres humains. Et Galien s'en plaint. Et Galien le regrette infiniment. Et est contraint de baser ses observations sur des cadavres de soldats ou de voyageurs attaqués par des brigands et qui ont été abandonnés au bord du chemin, ce qu'ils appellent l'anatomie occasionnelle et qui ne peut aboutir à rien en réalité. Donc Galien dit ce qu'il fait, il ne cherche pas à masquer la réalité, il dissèque des animaux. Et il le dit, il utilise des singes en particulier, des cochons, des agneaux, enfin bon, ce qu'il peut trouver, et même un cœur d'éléphant qu'il va pouvoir disséquer un jour qu'un éléphant se trouve à Rome. Et il observe et il décrit. Il décrit de façon extrêmement précise. Et là où on peut lui reprocher quelque chose, c'est quand il extrapole. C'est quand il va extrapoler et va essayer de passer à ce qu'il a vu sur ce modèle animal, à ce que ça doit être dans un modèle humain. Mais Galien fait ce qu'il peut avec ce qu'il a à une époque où il est permis de disséquer des animaux, mais absolument pas de disséquer des humains. Peut-être d'ailleurs, la question reste ouverte, a-t-il outrepassé cette interdiction et peut-être a-t-il quand même pu pratiquer quelques anatomies humaines, mais il ne pouvait pas le dire. Et s'il l'a fait, il l'a fait de façon extrêmement subreptice, si je puis dire. Véronique Boudon-Milot, ce qui est sûr, c'est que Galien reste une référence pour les médecins, sans doute, et puis même quand les médecins peuvent s'en éloigner un peu à partir du 17e, 18e siècle, et puis plus encore après, évidemment, malgré tout, Galien reste une référence dans la littérature. On le retrouve dans plein de textes. Je vous propose une lecture par Daniel Königsberg d'un extrait. On va pas écouter les trois actes des Folies amoureuses, une comédie de Jean-François Regnard. C'était en 1704. Scène 6. Albert, Eraste. Albert. Voyez à quel point cette folie augmente. Votre homme ne vient point et je m'impatiente. Eraste. Je ne sais qui l'arrête. Il devrait être ici. Mais je le vois qui vient. N'ayez plus de soucis. Scène 7. Albert, Eraste, Crispin. Albert à Crispin. Eh, monsieur, venez donc. Avec impatience, tous deux nous attendons ici votre présence. Crispin. Un savant philosophe a dit élégamment, « Dans tout ce que tu fais, hâte-toi lentement. J'ai depuis peu de temps pourtant bien fait des choses pour savoir si le mal dont nous cherchons les causes réside dans la basse ou haute région. Hippocrate dit oui, mais Galien dit non. Et pour mettre d'accord ces deux messieurs ensemble, je n'ai pas pour venir trop tarder, ce me semble. » Les Folies amoureuses en 1704, où il est question de Galien avec toujours en fait ce duo. Ce n'est pas Laurel et Hardy, c'est Galien-Hippocrate, quoi. Et on sent qu'il y a une référence sans cesse autour de Galien, sans doute parce que, bien sûr, ça nous semble aujourd'hui un petit peu étonnant, ces choses-là d'humeur, de bile jaune, de bile noire. Mais malgré tout, il y avait une pensée cohérente et construite, et on l'entend bien à travers ce que vous dites, Véronique Boudon-Milot, ce qui permet aux médecins de s'appuyer encore sur ce que disait Galien. En gros, tout n'est pas acheté de chez Galien, mais loin de là, très très loin de là. Non, ben oui, pas du tout. Ça nous paraît un peu bizarre, cette histoire de bile jaune, de bile noire, mais imaginons un instant, si nous incisons un cadavre, alors disons d'un animal, qu'est-ce que l'on voit sortir ? On voit sortir des fluides par une blessure. Qu'est-ce que l'on voit sortir ? On voit sortir du sang. Et puis si on attend un peu, on voit sortir du sérum, une sorte de bile jaune. Si c'est un cadavre, ça va être noir. Ça va être un liquide noir. Ça va être donc peut-être cette bile noire. Bref, ça n'était pas complètement hors sol, cette imagination des quatre humeurs. Et derrière, il y a un discours extrêmement logique et une pensée extrêmement rationnelle, parce qu'on ne l'a pas encore dit, mais ça c'est fondamental, tous ces médecins de l'Antiquité, depuis Hippocrate, et c'est à Hippocrate qu'on le doit, jusqu'à bien sûr Galien, veulent, et même s'ils ont en partie échoué, mais veulent construire une médecine rationnelle, c'est-à-dire une médecine où les maladies s'expliquent non pas en référence à une malédiction divine, ce qui était le cas jusqu'à Hippocrate, mais une médecine qui explique la maladie sur des bases rationnelles en construisant un discours, lui aussi rationnel, où le médecin va à la recherche des causes. Alors, peut-être que les causes identifiées ne sont pas les bonnes, mais la démarche, on doit la saluer. Et cette médecine donc rationnelle, par ses méthodes, sinon par ses résultats, reste tout à fait valable. Et c'est toujours la méthode, en tout cas, que l'on a gardée pour comprendre et pour aborder ces maladies, la recherche des causes, et puis quand on les a identifiées, évidemment, la thérapeutique qui doit rétablir la santé. Et puis, il y a aussi, au sein de cette médecine, très importante, la relation malade-médecin qui est au cœur de cette pratique. Pour le médecin, il est fondamental que la lutte contre la maladie, c'est un combat commun du patient et du médecin, contre cet adversaire qu'est la maladie, ce qu'on a appelé le triangle hippocratique. Et rien ne peut advenir de bon s'il n'y a pas de collaboration entre le patient et son médecin. Et cette collaboration ne peut s'appuyer que sur une relation de confiance. Donc le médecin doit parler à son patient, le patient doit pouvoir être écouté et compris par son médecin. C'est pourquoi l'interrogatoire du malade, par lequel commençait toute visite médicale, est au cœur de cette pratique. Alors évidemment, à l'époque, on n'avait pas le choix. L'interrogatoire du malade, c'était le seul moyen pour le médecin de se renseigner sur les symptômes. Il ne pouvait pas envoyer son patient au laboratoire ou faire une IRM. Mais cette relation était très forte, très étroite. Véronique Boudon-Milo, vous connaissez intimement les textes de Galien. Je rappelle que vous avez édité, traduit ces textes qu'on peut trouver aux éditions Les Belles Lettres. Enfin, c'est la collection Guillaume Budé. Et puis, vous êtes l'auteur de Galien de Pergame, un médecin grec à Rome, toujours aux Belles Lettres. Est-ce que vous avez déjà essayé des remèdes proposés par Galien? Vous avez eu cette perversion, j'allais dire, ou cette curiosité? Écoutez, avec les remèdes simples, on ne risque pas grand-chose. Un peu de miel et un peu de vin, pourquoi pas. Je ne suis pas allée jusqu'à la thériaque, mais sachez que d'autres n'ont pas eu les mêmes réticences, puisqu'on a préparé la thériaque dans les pharmacies, y compris les pharmacies parisiennes, jusqu'au début du 19e siècle. Donc, c'était un médicament qui était encore inscrit et vendu dans toutes les pharmacies. Et vous avez encore dans les pharmacies anciennes de beaux pots à thériaque en faïence que vous pouvez également voir dans tous les musées de la pharmacie et qui sont le témoin d'un médicament qui a traversé les siècles pour être utilisé, consommé jusqu'à la période moderne. Oui. Ah ben voilà, donc nous savons que peut-être nous allons ressortir ces textes de Galien déjà, parce que tous ces conseils pour l'hygiène de vie sont encore valables. Et puis après, toujours réfléchir à ce que disaient nos anciens. C'est vrai, hein, la discussion entre le médecin et son patient, c'est essentiel. Merci beaucoup Véronique Boudon-Milo de nous avoir éclairé sur ce personnage vraiment fascinant. Une pensée éclairante, Galien. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Anne Toscan-Viudès, Marion Dupont, Camille André, Camille Rijad, une émission dont la programmation est assurée par Amélie Perrault. Vous pouvez écouter nos émissions en ligne sur franceculture.fr, les écouter, les réécouter et même en podcast, la balado-diffusion. Et puis vous pouvez nous rejoindre sur le groupe Facebook Le Cours de l'Histoire, où vous êtes de plus en plus nombreux pour discuter de ces émissions et de l'actualité de l'histoire. Demain, nous continuons à réfléchir sur la manière de soigner, mais venue de loin, venue d'ailleurs. Demain, nous partons en Chine pour la longue histoire de la médecine chinoise. À demain !